son mérite comme orateur et comme écrivain. Pour l'éloquence et les talents militaires, il égala, il surpassa même la gloire des plus grands maîtres. Son accusation contre Dolabella le fit ranger sans contestation parmi les premiers talents du barreau. En tout cas, Cicéron, dans son traité à Brutus, où il énumère les orateurs, dit qu'il n'en voit point à qui César doive le céder, et il ajoute qu'il y a dans sa manière de l'élégance et de l'éclat, de la magnificence et de la grandeur. Cicéron écrivait aussi à Cornelius Nepos: quel orateur oseriez-vous lui préférer parmi ceux qui n'ont jamais cultivé que cet art? Qui pourrait l'emporter sur lui pour l'abondance ou la vigueur des pensées? Qui pour l'élégance ou la beauté des expressions? Fort jeune encore, il avait, à ce qu'il semble, adopté le genre d'éloquence de César Strabon, et il inséra même textuellement dans sa divination plusieurs passages du discours de cet orateur pour les Sardes. Il avait, dit-on, la voix pénétrante, et il savait unir dans ses mouvements et ses gestes la grâce et la chaleur. Il a laissé plusieurs discours, mais il en est qu'on lui a faussement attribué. Et Auguste regardait avec raison le plaidoyer pour Q. Metellus, plutôt comme la copie infidèle de sténographe qui n'avait pu suivre la rapidité de son débit, que comme un ouvrage publié par lui-même. De fait, je trouve que plusieurs exemplaires ne sont pas intitulés « Discours pour Metellus », mais « Discours écrit pour Metellus ». Toutefois, c'est César qui y parle, pour se justifier en même temps que Metellus des accusations de leurs détracteurs communs. Auguste hésite même à lui attribuer la harangue aux soldats en Espagne. On en possède néanmoins deux sous ce même titre, l'une qu'il aurait prononcée avant le premier combat et l'autre avant le second. Mais Asinius Pollion dit qu'à la dernière bataille, la brusque attaque des ennemis ne lui laissa pas le temps de haranguer ses troupes.